Une cigale qui me parle oublier que les ordres sont si mauvais. Une cigale qui me parle C'est de l'amour.